Des traces bleues sur tes rêves entre les bavardages. On rencontre des silences agacés sur les quais d'un alliage de chaleur blanche. Je serai bien n'importe qui, de toute façon, un autre. L'âme ventilée des ménagères méditant des sentences verticales, horizontales. La misère, la laideur, les jeunes hommes n'acceptant plus cela. Leurs âmes planent dans un wagon à lames gelées. Des pères incestueux saluant leurs filles au départ, Marseille-Saint-Charles, quelques exercices respiratoires et la jalousie évidente du frère. Dehors, goutte à goutte, la grande verrière de cette gare, la propriété rectiligne de la vision et le monde entier sous forme d'arche. Marseille-Saint-Charles, vers le sud, autre chose, respiration et détachement. J'espère que vous aimez les mensonges et les tragédies en semaine. Une blessure au poumon, peut-être seulement cela. Et la sauvegarde rapide des âmes. Une jeune fille surprise me regarde. Une douleur aiguë. Une douleur avec un goût liquide. Quelque chose de présent dans la trajectoire. Beauté et souvenir. Souvenir tranquille comme des wagons. Dans un rêve de brûlure. Le sud. Train 6065. Voie E. Allons-y. Rentrons. Posons-nous heureusement tout de même. Plus ou moins tous fumeurs sur le quai, patients en tout cas. S'embrassent, se séparent, s'oublient aussi, bien sûr, la bouche amoureuse de la jeune fille. Passage d'un train, le dernier quai voit eux, vers la frontière, l'exil, la naissance. Les étangs précèdent des vies fatiguées, des vies trop enthousiastes. Le disque incendiaire. C'est une lumière pour le corps, pour que celui-ci baigne, comme aux origines, quand il riait. Une flaque ombilicale, lampe anale, vaginale rose, Agde, d'autres choses à dire n'y intéressent pas. Narbonne, Perpignan, gare de Perpignan où deux lesbiennes se dévorent.